Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes à la veille du réveillon de Noël et nous allons essayer de bien rester dans l'ambiance. Pour le premier morceau, on va s'écouter le fameux Mary's Boy Child de Boney M. Ah, c'est un grand classique de Noël, sorti en 1978, et cela sera un succès dans beaucoup de pays. On commence maintenant. Mary's Boy Child, Jesus Christ, was born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day. To see him and adore. They will live forever. Oh, my Lord, praise the Lord. Joyeuses fêtes de fin d'année avec Fadjet. Pour la suite, un autre classique avec Wham et son Last Christmas. George Michael dit avoir composé et écrit ce tube romantique emblématique et à la fois triste et joyeux un dimanche chez ses parents dans sa chambre d'enfance. La disparition précoce de George Michael, 32 ans plus tard à l'âge de 53 ans, d'un arrêt du cœur le jour de Noël 2016, relance le succès de ce tube Last Christmas avec des records de visualisation et téléchargement sur Internet. Le succès du film américain Last Christmas en 2019, inspiré du titre et des succès du groupe Wham, va relancer à nouveau le titre en 2019. Bon Noël! Yeah. Et comme je suis moi-même un grand fan de Clo-Clo, en cette veille de réveillon, pour vous donner du peps pour demain, je vais vous passer l'une de mes préférées. Soudain, il ne reste plus qu'une chanson. Elle est extraite de l'album Sur scène, sorti en 1975. On va y retrouver des titres tels que Le téléphone pleure ou Le mal aimé. S'il n'en reste qu'une, ce sera celle-là. Écoutez Fadjet sur 94.2. On ne peut pas passer une émission d'avant Noël sans Michael Jackson. Et pour continuer dans le rythme soft, je vous propose Human Nature. Alors j'avoue que c'est une de mes préférées. Human Nature est une chanson composée par Steve Porcaro, écrite par John Bettis, produite par Quincy Jones et interprétée par Michael Jackson. Quel quatuor! Sorti en tant que single le 3 juillet 1983, le single sera tiré de l'album mondialement connu Thriller, et ça sera le cinquième des 7 singles issus de cet album. À toi. An apple, then let me take a bite. If you're a stranger. Electric eyes are everywhere. See that girl, she knows I'm watching. She likes the way I stare. If they say why, why? Notre dernier morceau, quand mieux qu'à Noël, on peut demander de l'amour. Du coup, Céron me paraît le mieux adapté. Son titre Give Me Love, ça vous parle un peu, je pense. Alors, il est extrait de l'album Supernature, le titre se classera top 38 en France et il sera repris en 2001 par le DJ Bonne Sinclair. Bob Sinclair. Allez, c'est parti! Je vais vous laisser, je vais vous souhaiter par avance un joyeux Noël et je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour la dernière de l'année. Bye bye!